c'est que je lève plus les yeux au ciel pour voir les épaules saigner. En 2015, le fond la forme, on a toujours pas signé. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'avance avec ou sans la joie ou sans la voix. On se lasse pas de penser que les mots nous soulagent pas. Tu sais que je lève plus les yeux au ciel pour voir les épaules saigner. En 2020, le fond la forme, on sera toujours pas signé. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'avance avec ou sans la joie ou sans la voix. On se lasse pas de penser que les mots nous soulagent pas. J'ai bientôt 30 piges, alors je sais que tu sais que le disque d'or c'est mort. Je gagne rien à part le temps que je perds stoppé, j'en discute forcément. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part dans le rap que tout a changé. Y'a plus d'oseille à prendre, pourquoi les petits se mettent tous à chanter. Bref, j'avance tout droit même si je me tape un mur. Vaut mieux être seul qu'accompagné d'une bouffonne ou un tapin russe. J'ai enterré mes rêves de gosse, putain je sais que ça paraît glauque. J'ai pas le permis mais j'ai souvent le prix d'une caisse sur mon poignet gauche. Merde, je sais même plus ce que je pourrais faire pour passer le temps. Je m'en fous de la cour des grands, pour y rentrer j'attendrai pas septembre. Je prépare un coup de poker comme ça tu pigeras tous les as se perdre. J'écris des textes qui font bouger la tête de tous les Heisenberg. La tête dans les nuages, la voix c'est les cachets font le reste. Si tu cours après le bonheur, si j'ai un gosse je l'appellerai Forest. J'ai jamais dépassé les 10 000 vues sur l'un de mes clips. Faudrait que je finisse l'album et qu'il sorte avant que les sur un mes tripes. J'ai jamais fait de promesses dans le vent, promis j'avance. Nos problèmes d'adultes sont que l'évolution, nos problèmes d'enfant. J'ai le sourire même si je finirai sûrement comme Jacques Taylor. Je vous laisse un bout de mon passé dans les poches de chaque dealer. Tu sais que je lève plus les yeux au ciel pour voir les épaules saigner. En 2015 le fond la forme, on a toujours pas signé. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'avance avec ou sans la joie ou sans la voix. On se lasse pas de penser que les mots nous soulagent pas. Tu sais que je lève plus les yeux au ciel pour voir les épaules saigner. En 2020 le fond la forme, on sera toujours pas signé. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'avance avec ou sans la joie ou sans la voix. On se lasse pas de penser que les mots nous soulagent pas. Yeah, ghetto ghetto rockstar. Original Bunker Bros, bande d'enfoirés. 2015 et pour l'éternité. C'est toujours avec le fond la forme. Wesh Def, il valait. Wesh Pierrot, ça dit quoi, diversion studio. Nouvel album bientôt dans les bacs. 2015 et pour l'éternité.